L'hôte par Georges de Lys. Chapitre 1er. Le Saint-Pierrot, voilier gris en goélette, toute toile dehors, cinglait par une bonne brise, dans les eaux céruéliennes de la baie d'Ajaccio. Son fin sillage, ridant les lames aplanies, fuyait derrière sa côte gracieusement inclinée, qui, environ de bord, luttait d'élégance avec les mouettes dans l'effleurement de leurs blanches ailes au ras des flots. Sur le pont, accoudé à la lisse, Armand admirait la perspective de cette côte déchirée, se déroulant devant lui, toute chaude de lumière, et que dominaient au loin, barrant l'horizon, les mornes sourcilleux, debout dans la majesté de leur tête neigeuse. Puis se dévoilait, éblouissante de blancheur, la cité ensoleillée, accroupie sur un éperon, pareil à un lion que la citadelle ceint d'une couronne murale. Armand s'émerveillait d'avoir pressenti les beautés vierges de cette terre de Corse, vers laquelle, seulement 40 années plus tard, devait s'accentuer un mouvement de curiosité, facilité d'ailleurs par le service régulier des paquebots. Sauvage et inviolée, l'île séduisait l'artiste par son mystère. Ajaccio n'était pas alors la coquette station hivernale, émaillée de villas, largement trouée par les artères plantées d'orangers des cours Grandval et Napoléon. Ce dernier seul existait, étirant la ville entre lui et la plage dans un resserrement de ruelles sombres dont les hautes maisons lépreuses étalaient, à leurs baies multipliées, des pavoisements de loques et d'indescriptibles haillons. Armand descendit à l'hôtel de France qui occupe encore, sur la place du Diamant, une des plus jolies situations d'Ajaccio. Il eut promptement visité la ville, les rochers culbutés du Casone qui abritaient les méditations de Bonaparte enfant, et la maison du grand empereur. Armand avait résolu de descendre la côte occidentale jusqu'à Bonifacio, pour de là gagner la Sardaigne. On voyageait alors à cheval, vu l'état des routes, et le garçon d'hôtel Francesco, chargé par le touriste de lui procurer une monture, lui annonça qu'il avait trouvé son affaire et qu'il aurait un compagnon de voyage. « Bravo !» s'écria le jeune homme, « ce n'est pas dédaigné dans le pays des bandits. »« Eh !» l'interrompit Francesco d'un ton blessé. « Les bandits ! Les croyez-vous hommes à manquer d'égard envers un étranger ? Ah, signor, nos hôtes sont sacrés. » Et notre hospitalité ne fait défaut à personne. Soyez sans crainte, nos bandits sont d'honnêtes gens. » Le touriste s'excusa en souriant. Le lendemain, comme il enfourchait un bidet à tout crin qui piaffait en roulant ses yeux pleins de feu, le garçon va lui tenir l'étrier. « Merci, François, » dit Armand, et fouillant dans son gousset, il en tira une pièce blanche qu'il glissa dans la main du garçon. Cette libéralité l'éblouit. L'argent était rare en Corse et l'étranger avait donné 40 sous. Conquis, il maintint le cheval par la bride et dit d'un accent reconnaissant « Le signor désire passer en Sardaigne ?»« C'est mon intention, mon ami, » répondit Armand. « Vous savez qu'il n'y a pas de service public entre la Corse et l'autre île et que le détroit est mauvais. Je le sais. » Enfin, les mariniers ne sont guère complaisants pour ceux qui ne parlent pas la langue du pays. Tout cela peut vous créer des embarras. « Tenez, signor, si vous ne trouvez pas vous embarquer, descendez à la marine. Tout au fond du port, vous trouverez un magasin d'épicerie. C'est le bien de mon ami Bocconagno, qui est aussi patron d'une bonne barque. Vous n'aurez qu'à dire, je me recommande de Checo de l'Hôtel de France. Et la maison, choses et gens sera à votre disposition. Il vous passera lui-même où vous trouvera votre affaire. Merci, Checo, répondit Armand, non sans dissimuler le sourire que haussait à ses lèvres cette autre commandation. Il rendit la main au petit cheval qui mâchonnait rageusement son mort, et rejoignit à la barrière son guide et le compagnon de le hasard le gratifiait. Il eut la bonne fortune de tomber sur un membre de cette famille Gaffori qui laissait à Corte d'héroïques souvenirs. Tout en cheminant, M. Gaffori, qui regagnait son poste de juge à Sartène, se prêtait aux curiosités du touriste et l'initiait aux mœurs et légendes locales. Lorsqu'ils se séparèrent à Sartène, chacun eut la tristesse de quitter un ami. Enfin, Armand aperçut Bonifacio sur son promontoire de roc calcaire, groupant ses maisons resserrées autour des flèches de ses églises, des clochetons de ses chapelles dont la multitude donne à cette cité maritime l'aspect d'une flotte hérissant sa forêt de mâts. Il contourna la lagune profondément encaissée entre les falaises crayeuses et qui s'enfonce dans les terres pour s'arrondir en un bassin au fond duquel s'éparpillent, adossés à la muraille, les masures des matelots, le bourba nommé Marine. Armand vit si proche les côtes de Sardaigne que malgré le mauvais état de la mer, il résolut de traverser les bouches. Aucun marin ne consentit à effectuer le trajet. Le pauvre touriste se morfondait depuis 2 jours lorsque, revenant de tenter une démarche encore infructueuse, ses yeux s'accrochèrent à une enseigne sur laquelle on lisait « Bocconiano, épicier ». Au-dessous se balançaient au vent quelques vieilles morues, un chapelet de harengs sort, tandis qu'à travers les vitres sales s'esquissaient des pains de savon et des paquets de chandelles jaunies. Il se souvint alors de la recommandation de François et se précipita vers la boutique, mais il s'arrêta dès le seuil. Sur un escabeau, une jeune femme allaitait un enfant dans la pose noble que Raphaël avait donnée à la Vierge à la chaise. Elle fit face à l'arrivant du pur ovale de son visage ambré, et tandis que ses lumineuses prunelles éteignaient leur éclat sous le voile abaissé des cils, sa pudeur ne s'alarma pas de la nudité du sein, sacré par la maternité et protégé par l'enfant. Derrière une sorte de comptoir où s'enchevêtraient les objets les plus disparates, dans un désordre sordide peu encourageant pour la clientèle, se campait un vieil homme, noueux comme un châtaignier, l'œil ardent sous l'épaisseur rugueuse des sourcils. Son nez, puissant et busqué, projetait une ombre sur la barbe hérissée qui embroussaillait la bouche et s'évasait largement sur la poitrine. L'ensemble de cette tête avait un caractère farouche, et sans doute son propriétaire devait avoir tenu le maquis et plus d'une fois fait parler la poudre. Surpris, un peu troublé par le rapprochement de cette face de bandit et de ce profil de madone dans ce cadre bizarre, Armand demanda timidement en soulevant son chapeau « Monsieur Bocconiano, s'il vous plaît. »« Que lui voulez-vous ? » répliqua le vieux d'un ton brusque et guttural. « Mon Dieu, j'avais un léger service à lui demander. Il n'y est pas. Rentrera-t-il bientôt ? Je n'en sais rien. » « Il n'est pas Bonifacio ? » insista le voyageur. « Non. » Déconcerté par la sécheresse des répliques et la froideur de l'accueil, Armand fit un pas pour se retirer en balbutiant. « Mille excuses, je ne serais pas venu vous déranger si je n'avais pas été recommandé à M. Bocconiano par Checco de l'Hôtel de France. » Le vieux fit un bond, saisit Armand par le bras et le retint comme il franchissait le seuil. « Eh, signor, on s'explique. Je ne suis pas sorcier. Checco est un ami. Vous êtes le sien. Nous sommes donc tout à vous. » Si vous aviez parlé plus tôt, je vous aurais fait meilleur accueil. » Il s'excusait, l'œil adouci, un sourire noyé dans la barbe. Il reprit. Pietro, mon fils, l'ami de Francesco, est en mer. L'ouragan qui souffle nous inquiétait bien un peu, mais il est bon marin et connaît la côte. Il nous a fait prévenir ce matin par des pâtres qu'il s'était abrité dans une fissure où il faudra attendre la fin du mauvais temps. Je lui ai envoyé des provisions car la mer est démontée et il en a pour quelques jours. Sitôt de retour, il sera enchanté de vous voir, mais il en a bien pour 5 ou 6 jours à être bloqué. » Armand, déçu, ne sachant où s'adresser, salua le vieillard et sortit. Alors la jeune femme se dressa de son escabeau, rejeta son voile en arrière, et l'œil en feu, la parole vibrante, le geste large, apostropha le vieillard. « C'est donc ainsi que l'hospitalité de nos montagnes est un honneur dans la famille de mon époux. J'en ai grand honte pour elle. Oui, j'ai la rougeur au front. Un étranger se présente au nom d'un ami et vous ne vous mettez pas à ses ordres. Vous ne lui demandez pas quel est son désir et vous ne travaillez pas à le satisfaire. Et il sort de chez vous n'ayant au cœur que le souvenir de l'affront que vous avez fait à la parole de Checco. Il ne me convient pas à moi, sposata et nourrice, d'aller dire au signor, je suis votre servante, en quoi puis-je vous être utile? Vous, père, vous êtes trop vieux pour lui servir d'aide et moi je suis trop jeune pour accompagner un homme. Mon époux est prisonnier de la mer, je le sais. Mais son absence ne nous relève pas de nos devoirs. Qui prendra sa place? Les miens sont dans la montagne. Néanmoins, je sortirai de cette maison, déshonoré par son mépris de l'hospitalité. J'irai jusqu'à ce que je rencontre un des miens, qui puisse faire honneur à la parole de Francesco et qui lave le nom que je porte de la souillure dont vous l'avez taché. Elle s'enveloppa de sa mante sans quitter son enfant et sortit. Chapitre 2e. Armand avait erré tout le jour sur les falaises en dépit d'un vent terrible, lorsqu'il s'entendit héler comme il rentrait à Bonifacio. Il s'arrêta, et un jeune homme essoufflé l'aborda, tenant à la main son bonnet piteux. « Ah, signor, il s'en est passé de belle après vous, chez le vieux Bocconiano. » Il n'était pas fier, allez. Mais Jeroima en voilà une femme. Une vraie Corse, bien de la famille. Il faut vous dire que je suis son cousin. Je l'ai rencontré comme elle quittait la maison de son beau-père. Elle m'a ordonné... « Or, Santonio, quoique tu ne sois pas mon plus proche, tu es ici le seul de mon sang. Lui feras-tu honneur ?»« Pas de danger que je lui refuse. Elle connaît bien notre race. » »« Alors elle m'a pris votre démarche, le manque d'égard du vieux Bocconiano pour un hôte envoyé par un ami. Je viens remplacer son mari absent et me mettre à vos ordres. Qu'est-il pour votre service, signor ?»« Je suis désolé d'avoir été cause de ces querelles et de vous déranger. François m'avait dit que j'aurais peut-être des difficultés pour passer en Sardaigne, mais que son ami me faciliterait la chose. C'est pour cela que je me suis adressé au Boccagnano. C'est tout ? Absolument. Où demeurez-vous ? Ou plutôt voulez-vous me retrouver sur le port dans 2 heures ? J'aurai votre affaire ou je ne suis pas un homme. C'est entendu, répondit Armand enchanté. Lorsqu'il redescendit à la marine, le voyageur vit accourir au-devant de lui le cousin de la belle Jeroïma qui, un sourire satisfait aux lèvres, le conduisit au patron d'une forte barque amarrée au quai. La Santa Anna était en partance pour Longo Sardo. Son maître, Luigi Giralda, accueillit Armand, non en passager mais en ami. Ils convinrent tous deux des conditions du trajet, puis le marin tendit la main au voyageur qui lui donna la sienne. Le cousin qui assistait, muet, à l'entretien des deux hommes, s'adressa alors à Armand. Par la poignée de main échangée, vous devenez son hôte. J'ai rempli ma mission. Je vous salue, signor, et vous souhaite heureuse traversée. Il se retirait. Le touriste le rappela. Attendez, vous avez perdu votre journée pour moi, murmura-t-il en mettant la main à sa poche. Le corps se redressa fièrement. Pas de ça, signor. Nos services ne se vendent pas. Si vous êtes satisfait, si vous jugez que j'ai fait honneur à la parole de Francesco, donnez-moi la main. Merci, ajouta-t-il en répondant au geste affectueux d'Armand par une vigoureuse étreinte. Merci et adieu. Je vais chez les Boccagnano leur dire qu'ils sont en règle avec vous. Ils seront contents, je vous le jure. Armand voulut l'accompagner. Il revit la signora Jeroïma, qui l'accueillit avec sa grâce sévère. Pour mettre à l'aise le vieux, un peu confus, il échangea avec lui une cordiale étreinte et étendit aussi la main à Jeroïma. La jeune femme rougit et salua sans répondre à son geste. Armand vit, à sa surprise, que sa démarche l'avait choqué. Pour réparer son manquement aux usages locaux, il demanda à embrasser l'enfant. Elle lui tendit avec un sourire orgueilleux de mère. Le jeune homme tira de sa poitrine une chaîne d'or à laquelle était suspendue une médaille et la passa au cou du bambin. « Signor, » dit-elle d'un ton de doux reproche, mais Armand s'inclina. « C'est une médaille qui me vient de ma mère. Elle a protégé mon enfance. J'espère qu'elle portera bonheur à votre fils. » Jeroïma eut un geste large. « Les bénédictions entrent avec l'hôte, sous notre toit. » Ainsi s'achève l'hôte par Georges de Lys.